Yeah. Comme ça quoi. Ok. Faudrait que je me bouge, mais de toute manière y'a plus d'heures. J'avais rien de prévu, autant rien faire à plusieurs. Y'a le pote condamné qui sortira en douce, le pote amoureux qu'on voit plus depuis qu'il est en couple. Je les appelle tous. Comme d'hab on sort en ville, besoin d'air libre. La soirée repose sur les épaules du pote qui a le permis. À 5 dans une voiture pourrie, on s'imagine en Ferrari. On klaxonne des touristes, me demande où passe la nuit. Comme d'hab on veut aller au ciné, car un des films. Mais on a raté la séance, le temps de se mettre d'accord sur le film. Toujours les mêmes tubes à la radio, et tout le monde écoute une belle bande de bras cassés. Mais au moins on perd les coudes, on est bien sur notre banc. Rien faire c'est épuisant, comme d'hab ça part en débat. Je jure Michael Jackson est vivant. Après 2-3 verres, mon pote maigrit chaud, on veut se taper. Il se voit musclé, comme d'hab on va devoir rattraper. Entrer en boîte, jamais. Pourtant j'ai mis mes beaux vêtements, au moins les morts de lire. Tiens des gueules d'enterrement, on quitte notre vie. Comme ça, promis on fera notre combat. Pour l'instant on profite d'art en ville entre amis. Dans nos soirées de merde, nos embrouilles, nos galères. Si on fait tout refaire, on ferait la merde. Comme d'hab, comme d'hab, attends nos soirées de merde. Nos embrouilles, nos galères. Sous les draps, comme d'hab, on s'en souviendra. Et c'était comme moi, à chaque fois c'est comme ça. C'est comme d'hab, j'ai pas vous mais moi. Comme d'hab, encore sous les draps. Comme d'hab, on s'en souviendra. Et c'était comme moi, à chaque fois c'est comme ça. C'est une photo, un bolo, je pars en mission. Après un texto, un photo, une proposition. Y'a une soirée chez lui, est-ce que tu viens avec moi? Rendez-vous à 20h, arrivé à 23. Comme d'hab, je veux me caler, j'arrive emballé. Mais je fais la bite pendant une heure avant de m'installer. Qu'est-ce que tu deviens depuis le temps? On exagère sa vie, on ment, le temps passe vite, rien affolant. T'as pas changé, t'es comme avant. On réserve les chambres comme dans un hôtel. La cour du fond de la classe est devenue top model. Personne se lance, plus d'alcool que d'ambiance. Comme d'hab, aucun mec sur la piste de danse. Pas d'argent pour la musique, va voir le responsable. Y'a la piscine comme avec promis, mais bon, elle est gonflable comme d'hab. Les filles vont aux toilettes, pas paquet de douze comme d'hab. Les plus bonnes sont déjà en couple. Y'a plus de vis, le métro est fermé. Toutes les voitures sont déjà au complet. Putain, le taxi est vraiment pas donné. Y'a pas une trottinette. En partant, je croise un type qui vomit et t'allé par terre. Il me dit vas-y, Bipo, fais-moi un petit renfer. À toutes nos soirées de merde. Nos embrouilles, nos galères. Si on fait tout refaire, on ferait la merde. Comme d'hab, comme d'hab, à toutes nos soirées de merde. Comme d'hab, on s'en souviendra. Et c'était comme moi, à chaque fois c'est tu m'as mis des sangs, on est sains. Comme d'hab, personne n'a pris les enceintes. Comme d'hab, on se fait des pâtes, franchement j'ai faim. Comme d'hab, il y a un moment qui se sent pas bien. Comme d'hab, quand on mate la paire de seins. Comme d'hab, la fête est nappe, mais lui dit rien. Comme d'hab, viens on fait fumer le chien. Comme d'hab, et les gars on fait un stable. À toutes nos soirées de merde. Nous en brûlons nos galères. Si on fait tout refaire, on ferait la merde. Comme d'hab, comme d'hab, à toutes nos soirées de merde. Nos embrouilles, nos galères. Si on fait tout refaire, on ferait la merde. Comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. On est arrêté là-bas, ça. Comme d'hab, comme d'hab.